En Corée du Sud, au sein du Parti pour un nouveau monde en crise sans précédent à la suite de l'échec général à l'élection législative, la voix s'élève pour la dissolution du parti au pouvoir. Le 1er dernier, le gouverneur de la province du Gyeongsang du Sud, Hong Jun-pyo, a dit dans son discours radiodiffusé « Le Parti pour un nouveau monde est une collectivité des intérêts pour occuper le poste de parlementaire. Il sera disloqué s'il n'y a pas de profit commun. » Un député issu de ce parti s'est plaint. Tout est pourri, racines, tiges, feuilles, fruits et fleurs. À propos du parti dont la contradiction est à l'extrême entre la fraction proche de Bakune et autres personnes, l'ancien président de l'Assemblée nationale a dit « C'est scandaleux et honteux, l'unique alternative est la dissolution ».